Deuxième partie, à l'agence. Je voudrais voir Monsieur Martin, s'il vous plaît. Je m'appelle Houbé. Je travaille pour l'usine Cyclotourisme. Est-ce qu'il peut me recevoir? Vous avez un rendez-vous? Oui, à 11h. Voulez-vous attendre un instant, s'il vous plaît, monsieur? Je vais appeler Monsieur Martin par l'interphone. Monsieur Houbé vient d'arriver. Très bien. Par ici, monsieur.